Tu es bien la seule à m'aimer. Tu me suces toute la journée, toutes les nuits d'été, à dormir à tes côtés. Là je pars travailler, on se retrouve en soirée. Tu es bien la seule à m'aimer, même si hier tu m'as trompé. Tu t'es posé sur sa peau, allez, tu as bu son nectar sucré. Tu reviens autour de moi voler, je t'ai déjà pardonné. Nourris-toi de moi, même si ça pique, ça me démange. Nourris-toi de moi, tu es la seule que je ne dérange pas. Alors viens, on se mélange. Ah oui, c'était comme ça. T'es bien la seule à m'aimer, sans rien me reprocher. Tu m'as tout accepté, avec mes poils qui sortent du nez. Qui a ma moustache sans tortille, c'est comme des liens de famille. Tu es bien la seule à m'aimer, à me dévorer sans te lasser. Je t'ai dans la peau, baby. Laisse-moi un peu de sang, un peu de sentiment. Je t'alimente tellement. Nourris-toi de moi, même si ça pique, ça me démange. Nourris-toi de moi, tu es la seule que je ne dérange pas. Alors viens, on se mélange. Ah oui, c'était comme ça. Comme ça. Ma petite moustique, tu es si belle.